Ravi de vous retrouver sur Radio Gémozo. Mio Ferrer devient Cador grâce à un chien Mirza. Les jolies colonies de vacances de Pierre Perret provoquent un immense éclat de rire et une polémique passionnée. Percy Sledge concocte le slow de l'été. Dutron lui chante Les Cactus, un titre que reprendra le Premier ministre Georges Pompidou à la tribune de l'Assemblée nationale pour évoquer ses rapports avec son allié bien rétif Valéry Giscard d'Estaing. Situons le tout, nous sommes en 1966. Dans leur cœur, Sur Radio Gemozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza. Grâce à Nino Ferrer, Mirza a été et sera le chien le plus célèbre des 60s. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, adaptation contre version originale, vous connaissez le principe maintenant. Nous évoquerons également le hit parade d'avril 1961 et notre coin du spécialiste sera consacré à Petula Clark, la plus française des chanteuses anglaises. Voilà, vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix. Excellente après-midi sur Radio Gemozo. Louis Armstrong lit le Good Book. Le major Campbell bat une fois encore le record de vitesse sur l'eau. Sous l'eau, le sous-marin atomique, le Nautilus, passe sous le pôle Nord. Si tu vas à Rio. Dario Moreno n'en finit pas d'explorer les pays chauds, alors que les Français se délectent de vacances sur la Côte d'Azur de Juan Lépin à Saint-Tropez. Les lunettes sont de plus en plus sophistiquées. Alors que le Liban découvre la violence, à Cannes, la Palme d'Or est attribuée à Quand passent les cigognes. Un oranger sur le sol. À Cuba, Fidel Castro prend le maquis. Pour commencer. On ne le verra jamais. La ronde devient P60. Jacques Tati fait désormais partie de la famille. Le tout Paris se presse au Festival de Cannes. Désormais, les enfants boivent du lait concentré et sucré. Et à Chypre, le calme méditerranéen ne règne plus. Les chevaux de Camargue sont de grands oiseaux blancs qui s'en vont au-devant du vent. Mes cheveux se mêlant à leur blanche crinière, nous volons par-dessus les étangs. Avec eux je fuis mon chagrin. Dans la pluie et le vent qui balaie la Camargue, c'est bien toi que j'oublie doucement. Bientôt dans ma mémoire, tu ne seras plus là. Et moi ce que fut ce triste été. Les chevaux de Camargue au vent des souvenirs s'en vont pour ne jamais revenir. Sophie, les chevaux de Camargue. Enfant star de la télé, belle gueule de sportif, Ricky Nelson, comme tous les rockers de l'époque, a subi l'influence d'Elvis Presley, mais il a su rester lui-même. Believe What You Say et du bon rock'n'roll sur Radio Gamozo. I believe what you say when you say gonna steady with nobody else with me. I believe what you say when you say I don't care, nobody else with me. I believe you're gonna stay there with nobody else with me. Well, there's one thing, baby, that I want you to know. When you're rockin' with me, you don't rock too slow. Move on in your toe-to-toe. I rock to just can't rock no more. I believe you're gonna stay there with nobody else with me. Nobody else but me. I believe what you say when you say I don't care. Nobody else but me. I believe you're gonna stay there with nobody else but me. Kiss my baby, let me roll my line. Get a funny feeling that I'm never blind. Chip along, let me down my spine. Tell everybody that you're mine. I believe you're gonna stay there with nobody else but me. Oh yeah, when I believe, pretty baby, believe you're gonna stay there with nobody Buddy Holly, Peggy Sue, ce titre a une histoire, puisque à sa création, il s'appelait Cindy Lou, nom de la fiancée de Buddy Holly. Lors de la rupture des fiançailles, il rebaptisera simplement Cindy Lou en Peggy Sue, qui est devenu le succès international que l'on connaît. Et Jean-Anthony d'ailleurs l'adaptera et l'inscrira à son répertoire. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, Kelly, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. Extrait de la bande originale du film Vivre pour vivre de Robert Hossein, François Hardy des Ronds-Nonlots. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins. Les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Qu'il pourrait bien devant tes ronds dans l'eau. Radio Gémozo, les bons moments ont toujours une musique. Dream Baby, adaptation contre version originale. De suite, notre premier match et votre premier choix sur Radio Gémozo. Get your wishes at, and I was Berry Nedine. La version française est interprétée par Les Lionceaux et ça donne ceci. Ça m'ennuie un peu quand tu m'es quitté sans rien dire. Pour toi j'aimais la vie, j'aimais tes yeux et ton sourire. J'aimais tes longs cheveux, j'aimais ta façon de marcher. Et c'est des époux qui me laissaient le souffle bouffé. Déclenche un putsch à Alger. Le major Yuri Gagarin effectue un vol de 108 minutes autour de la Terre. Des événements que les Français ont pu suivre sur leur écran de télévision. Nous sommes en avril 1961 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque avec notamment Richard Anthony, dis-lui que je l'aime. Message personnel qu'il classe en ce mois d'avril à la 29e place du hit parade. Toi que j'aime comme un frère, toi qui es mon ami, n'oublie pas que je compte sur toi pour lui dire ce que je n'ose pas. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Depuis quelques semaines, sitôt que je la vois, devant elle je suis désarmé. C'est idiot, je ne peux plus parler. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Je m'inquiète. Il s'inquiète. Dis pourquoi. Ça, écoute-moi, toi que j'aime comme un frère, ne me laisse pas tomber. Tu souris, mais peut-être un jour tu verras que c'est chacun son tour. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui. à sa porte, va tout lui raconter. Je t'attends là, le cœur va danser de toi que mon bonheur dépend. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime comme un fou. Dis-lui que je l'aime. Il est 29e, Richard Anthony, dis-lui que je l'aime. G.I. Blue, un titre extrait de la bande originale du film portant le même nom, premier film d'Elvis Presley après son service militaire. Sorti en avril 1960 aux États-Unis, c'est un an plus tard, en avril 61, qu'il fait son apparition à la 19e place du hit-parade en France. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a mighty old creek in Texas any old time. I got those up, two, three, four occupation G.I. Blue. From my G.I. head to the heels of my G.I. shoe. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get Hoss and Pfeffer and Black Paul and Nickel for Chow. We get Hoss and Pfeffer and Black Paul and Nickel for Chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a falling arch. I got one, well, two, three, four, occupation G.I. Blues. G.I. Blues, G.I. Blues. From my G.I. hat to the heels of my G.I. shoes. G.I. shoes, G.I. Blues. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. The fall lines are pretty as flowers, but we can't make them pass. The front lines are pretty as flowers, but we can't make a pass. Fraulein, Fraulein. Cause they're always saying, keep a tear off the grass. Yeah, yeah. I got those up, two, three, four, occupation G.I. Blues. G.I. Blues. From my G.I. head to the heels of my G.I. shoes. G.I. shoes. G.I. Blues. And if a dog goes stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Occupation G.I. Blues. Occupation G.I. Blues. Occupation G.I. Blues. Ready. Le 11 avril 1961, Bob Dylan fait ses débuts sur scène. Elle et Marcel, avec Blue Moon, ont décroché le ticket gagnant dans les charts américains et la 14e place dans le hit parade français. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Somebody whisper me, adore.

watch, kitty watch, kitty watch. Kitty, kitty, kitty, kitty watch. Que les chats sauvages de Dick Rivers signent un contrat avec Pathé Marconi et s'apprêtent à sortir leur premier Super 45 Tours. Les Chaussettes Noires, premier groupe de rock français, décrochent avec Daniela la première place du hit-parade d'avril 1961. Chaque nuit tu attends en rêvant une image adorée qui viendra rêver en posant sur tes lèvres un baiser. Oh oh oh oh oh oh. Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh Daniela, pourtant ne crois pas que tu peux. Oh Daniela, sans risquer de te brûler un jour. Oh Daniela, bientôt tu découvriras. Oh Daniela, celui qui sera partagé. Oh, oh, oh, Daniela. your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your helmet, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and our meeting will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time. The sun and moon will shatter, and the signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your helmet, 'cause your overcoat is too long. Trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your helmet, 'cause your overcoat's too long. Hambourg, c'était Procolarum. C'était en 1967. 1967, une histoire de cœur. Le professeur Barnard a aussi la première greffe. Priscilla Conquet, celui d'Elvis Presley. Le coureur cycliste Tom Simpson voit le sien cesser de battre au sommet du Mont Ventoux. Et les chanteurs ont l'âme câline comme Michel Polnareff. impatiente, aimerait trouver un de seul pour compagnie, pour ami. Merci de votre choix. Ils étaient plus connus sur la Côte d'Azur qu'à Paris. Je vous propose de découvrir sur Radio Guémozo Michel et ses Waps, Jour de Lumière. Je garde discrète cœur, la chaleur secrète de mon grand bonheur, et toujours j'espère qu'un jour de lumière nous serons unis pour la vie. Tu sais me comprendre et tu sais m'émouvoir, qu'il est long d'attendre l'instant de l'espoir. Soudain tu m'embrasses, tout en moi s'efface, tu viens m'enlacer pour danser. Tes deux être chavire, ah qu'il est doux d'aimer, quel est ce délire qui vient m'enflammer. Et pour vous j'espère qu'un jour de lumière portera l'amour pour toujours. Être chavire, ah qu'il est doux d'aimer, quel est ce délire qui vient m'enflammer. Et pour vous j'espère qu'un jour de lumière portera l'amour pour toujours. Et pour vous j'espère qu'un jour de lumière portera l'amour pour toujours. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Les gens dansent en cadence et guidés partout. Et tous à rythme sur le rythme et sur rythme alors nous la peau. C'est le twist, c'est le stomp aussi. The Halle Galilee, what you see? The locomotion de par deux. Et nous aimons ce petit jeu. Les orchestres se répètent et chaque don s'envahit le cœur. Alors nous ressortons les vieux euros qu'il aura rajouté de cœur. C'est le twist, c'est le stomp aussi. Hey, Halley Galilée, what you see? Et locomotion de par deux. Et nous amons ce petit jeu, yeah! Modèle à nous est tombé sur le dos. Essayez donc un an en train d'ouvrir la sur les tambours de radio. C'est le twist, c'est le stomp aussi. The Halley Galilée, what you see? Et locomotion de par deux. Et nous aimons ce petit jeu. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, alors pour moi, n'hésite pas. Je t'emmène vers l'amour, tu n'as qu'à suivre mon pas. C'est le twist, c'est le stomp aussi. The Halley Galilée, what you see? The locomotion de par deux. Tu aimeras ce petit jeu. Eh, eh, eh, ce petit jeu. T'as ma vie, ce petit jeu. Ce petit jeu. Rita Pavone, ce petit jeu. Et au jeu de l'amour, la jalousie est le plus grand de tous les maux. Il est venu un soir dans ce bar. Il a chanté le vieux chanteur avec sa guitare qui fait rêver. Il était question tout au long de cette chanson. C'était l'histoire d'un amour heureux que l'on veut trouver. Chacun de nous au fond de son cœur en a rêvé. Souvent le soir en sortant de là, je l'ai chanté. Fit partie des jours de ma vie. En espérant rencontrer l'amour, je l'ai chanté. Je l'ai revu un soir dans un bar où il chantait. Le vieux chanteur avec sa guitare qui fait rêver. De Sarah Jane il était question. Rien n'avait changé sa chanson. C'était l'histoire d'un amour heureux que l'on veut trouver. J'ai regardé tout autour de moi ce qui et puis sans rien dire, je suis sorti sans avoir chanté. Non, Sarah Jane ne fait plus partie des jours de ma vie. Car maintenant j'ai trouvé l'amour et le bonheur. Alors j'ai oublié Sarah Jane. Et le vieux chanteur, et le vieux chanteur. Dick Rivers, Sarah James. Après la version française, la version originale avec Tommy Rose, The Folk Singer. Dick Rivers ou Tommy Rose, Radio Gamozo, c'est à vous de choisir. Save it by to the fortune at his feet. The folks said, awoke one morning and he couldn't speak. The folks said, the doctor said his singing days were through. Thousands with his head chained in two. He could not sing, now his friends were few. C'était l'année 64, c'était les Beatles. Nous n'allons pas quitter l'Angleterre puisque dans notre coin du spécialiste, nous allons évoquer la carrière de la plus française des chanteuses anglaises. Petula Clark sera notre invitée cet après-midi juste après les chats sauvages sous le ciel écossais. Sous le ciel écossais, plus d'amour interdit. Là, on pourra s'aimer. Sous le ciel écossais, le scandale oublié. On pourra se marier. Au fond, ressuscité, l'avenir d'angoissé, nous avions tous les torts, mais l'amour fut le plus fort. Mmh. Salut les 60 sur Radio Gemozo, la légende en musique. Pétulante Petula Clark, sorte de Shirley Temple qui aurait dû grandir, surgit en France au début des années 60. Tel un ravissant bonbon rose, faisant exprès de ne pas perdre son accent sur la Java pour Petula, que lui avait écrite d'ailleurs Boris Vian. Enfant prodigue dans son pays, elle se mua en chanteuse accomplie qui, en 1965, avec Danton, devança les Beatles dans les hit-parades américains. Et en 1967, elle fut sacrée première chanteuse d'Europe au Midem. Mariée avec Claude Wolff, l'attaché de presse de Johnny Hallyday, elle mène parallèlement jusqu'aux années 70 une carrière française. Ne joue pas un Yaya Twist, Chariot, les Colimaçons, etc., etc., interprétant plusieurs chansons de Serge Gainsbourg, La Gadou, Vieille fille, Vilaine fille, Mauvais garçon, Au shérif, Oh. Elle se tourne ensuite vers la comédie musicale anglo-saxonne. Bien qu'oubliée en France, elle continue à enregistrer des albums et à donner des concerts en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Au total, Petula Clark a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde. Une bien jolie performance pour la pétulante Petula Clark. Je vous propose de retrouver quelques titres extraits de sa discographie. Son amour pour ton retour. tu veux de moi pour t'accompagner au bout des jours. Laisse-moi venir près de toi sur le grand chariot de bois et de toile. Nous nous en irons montera le jour dans les premiers reflets du ciel avant la chaleur du soleil sous la dernière. Salut les 60, souvenirs sur Radio Gémozo. Forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle Boston Nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown, les 60 sur Radio Gémozo, le temps des copains. Viens avec moi, la journée est finie, magasin, bureau vont fermer très bientôt. Pour oublier tous nos ennuis aujourd'hui, je connais l'endroit qui nous plaît. La fin du jour est le meilleur pour nous, quand la nuit vient. Chacun s'en va où il veut, suivant son goût. Mais pour s'amuser quand on est fou, moi je sais où. Viens avec moi, je connais l'endroit où la musique lui te plaira. Viens avec moi et tu verras. À la porte, y'a un homme qui attend. Et là, dans la cave, aux lumières tamisées. Tempo vous prend, tapez des mains tout en le dansant. Tout autour, les filles, les garçons, on se balançant comme de vrais démons. Ça vous met dans l'ambiance, tu verras, il fait bon. Pour y aller, ce n'est pas long. Moi, je sais où, viens avec moi. Je connais l'endroit où la musique lui te plaira. Viens avec moi et tu verras. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gémozo. Day will dry them. The Yardbird Style, I'm Said. Sur Radio Gémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord, la version française avec Sylvie Vartan. Est-ce que tu le sais? Beau garçon, je voudrais bien connaître ton nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, crois-tu qu'il m'a remarqué? Crois-tu qu'il aimerait m'embrasser? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, pourrais-tu m'expliquer? On dirait qu'il m'a pas remarqué. Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. La version française, après notre Sylvie Vartan en rockeuse, je vous propose pour ce troisième et dernier match d'écouter sur Radio Gémozo la version originale, autrement dit le What I Say de Ray Charles. All right. Hey, hey, hey.

guitare boogie du grand, du très très grand Arthur Smith sur Radio Gemozo. Jacques Brel va faire ses débuts au cinéma dans le prochain film d'André Cayatte, Les risques du métier. Il y incarnera un instituteur de village accusé de viol par une élève de 14 ans. En ce mois d'avril 1967, Claude François enregistre Mais quand le matin, un titre qui va devenir l'un des tubes de l'été 67. Des arbres géants, couverts de fleurs de sang, rampe vers moi, je voudrais fuir mais je ne peux pas. Je pousse un grand cri, je me réveille dans mon lit, mes mains tremblent, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin, aussitôt j'oublie les angoisses de la nuit. Oui, quand le matin, je vois le ciel bleu le matin, je respire enfin. Je vole dans le ciel, je suis bien, j'ai des ailes. Adieu la terre, mais un éclair, je tombe comme une pierre. Je me lève d'un bond, quelqu'un frappe au plafond. J'ai dû crier, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin, aussi que j'oublie les angoisses de la nuit. Je me sens si seul, j'ai besoin de quelqu'un. Je l'appelle, où est la fille qui manque à mes nuits? Je lui tends les mains, je lui offre ma vie. Je suis trop seul, je n'y peux rien, j'ai peur de la nuit. Nous resterons dans cette année 67 avec Eric Saint-Laurent qui reprend le I'm Believer des Monkees et qui devient, en version française, Bien j'ai cru à mon rêve. Pour moi l'amour n'existait qu'au cinéma. Il était pour tous mais pas pour moi. L'amour qui me fuyait, jamais je n'y croyais. J'étais toujours déçu quand j'aimais. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Je cherchais l'amour qui me fuyait toujours. Il m'avait joué plus d'un mauvais tour. Ah, et la vie sans amour ressemble à l'ennui. Comme un jour sans soleil, tout est gris. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Cet amour-là, souvent j'ai rêvé, désespérément un jour le trouver. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve, et mon rêve était vrai. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. Louis Louaille, nous rejoindrons 17h en compagnie de Wanda Jackson. On se retrouve dimanche dès 10h pour la rediffusion de l'émission et lundi dès 15h en direct pour une nouvelle émission. Si vous voulez réécouter Salut les 60 et les émissions des années 60, eh bien c'est tout simple, notez notre adresse internet radioguemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci d'être fidèle à Radio Guémozo. you're for me. Won't you be, oh, my own candy, candy, candy man. Come on, baby, give you candy kisses every single night. You're for me. Won't you be all my own candy, candy, candy man. We'll be right back.